Chapitre 5e. Jacques passa la nuit assis dans l'embrasure de sa fenêtre ouverte. Il regardait machinalement le ciel plein d'étoiles et les masses sombres du parc de l'ancienne abbaye, tandis que les grillons chantaient et qu'au loin un chariot attardé roulait lourdement sur la grande route. Puis il fermait les yeux et la scène du salon des corderies revivait nettement devant lui. Il lui semblait respirer le voluptueux parfum des jasmins mêlés aux rosetés, entendre vibrer la voix métallique d'Antoinette et voir ses yeux verts étinceler dans l'ombre. Il se répétait les paroles qu'elle avait prononcées, cherchait les réponses qu'il aurait dû faire, se reprochait de ne les avoir pas trouvées à temps. Cette quasi-hallucination dura presque toute la nuit. Il dormit une heure, et le jour était à peine levé, que Jacques courait à la ferme du Val-Clamin. Il trouva Évonime debout et bouclant ses guêtres dans sa chambre à coucher, une vraie chambre de philosophe nomade et peu soucieux du confortable. Une vieille malle gisait dans un coin. Le long des murs blanchis à la chaux, un béret, un chapelet des Pyrénées et un sac de touriste étaient accrochés entre deux photographies de famille. En face, une étagère de bois blanc contenait toute la bibliothèque, Montaigne, Pascal, La Fontaine, la Bible et l'Imitation. Pour tout mobilier, deux chaises et un lit de fer. En revanche, une fenêtre ouverte sur un paysage plein de fraîcheur, sur une perspective de prairies, d'étangs et de bois. « Bonjour !» lui cria Évonime. « Viens à Sainte-Nauge avec moi, je te montrerai un joli cimetière. »« Deux mots seulement, » dit Jacques, « il s'agit de choses sérieuses. Écoute-moi avec attention et réponds-moi franchement. Es-tu amoureux de Mademoiselle de Lille ?»« Hein ?» s'écria Évonime en écarquillant ses yeux d'enfant. « Amoureux ? Tu me poses là une singulière question. Amoureux ? Mon Dieu, j'aurais pu l'être tout comme un autre, car Antoinette est une charmante fille, bien qu'un peu fantasque. Tiens, le soir même de ton arrivée à Aubrive, je crois qu'une brise amoureuse gonflait mes voiles du côté des corderies. Il n'aurait peut-être pas fallu qu'un souffle de plus pour... Mais la réflexion est venue, et puis le doute, et toute la bande des amours s'est enfuie du colombier. En un mot, dit Jacques, dont la voix frémissait d'impatience, tu n'as jamais songé à épouser Mademoiselle Antoinette. Épouser, comme tu y vas. Je pense certainement au mariage de temps à autre. Moi, vois-tu, je me fais l'effet d'une horloge où chaque heure représente un rêve différent. Sur le cadran, il y a une heure consacrée au rêve d'Hyménée, et chaque jour l'aiguille s'y arrête ou du moins y passe. Mais qu'est-ce qu'une heure sur 12, quand les 11 autres sont hantés par des fantômes bizarres, n'ayant rien de commun avec l'amour? Tu es bien sûr de ne pas aimer Antoinette, s'écria vivement Jacques, et tu ne veux pas l'épouser. Tu m'assassines avec tes questions, répondit Évonime. Apprends donc une fois à me connaître, et sache que je ne puis dire ni oui ni non. D'ailleurs, je ne suis pas un homme mariable. Jacques n'en demandait pas davantage. Il remercia Évonime et s'enfuit dans la forêt. Là, il fut pris de l'angoisse qui précède les décisions solennelles, et d'un rapide coup d'œil rétrospectif, il repassa toute sa vie. Il se rappela son enfance studieuse, le train régulier de la maison paternelle, les tables noires du collège. Puis il pensa aux années de l'école forestière, à ses rêves ambitieux et à ses projets d'avenir. Et tout à coup, au milieu de cet ensemble d'images grises et austères, il vit se dresser l'originale figure d'Antoinette. Justement, sa course l'avait entraîné vers la combe de la Tulière. Il s'approcha de l'étang, il retrouva la passerelle à demi brisée, et naïvement, il chercha dans les joncs du talus la place où s'étaient posés les pieds d'Antoinette, comme si l'herbe lui en conservait religieusement la mignonne empreinte. « Oui, mon général !» cria une voix de basse-taille. « Cherchez-vous le trèfle à quatre feuilles au bord de l'étang ?» Il se retourna et vit M. de Lille. « J'ai fui les corderies !» continua ce dernier. « Il n'y avait plus moyen d'y tenir. Antoinette, qui ne devait aller à Paris qu'en septembre, a tout à coup changé d'avis. Elle part demain. » La maison est pleine de paquets de cartons et on ne sait où poser les pieds. Venez-vous avec moi chez le brigadier Sauvageau. » Jacques prétexta une affaire et le quitta brusquement. Sa résolution était prise. Il se mit à marcher à grands pas sur la route d'Aubrive et un quart d'heure après, il entrait aux corderies. La porte était entrebâillée. Il se glissa dans la cour sans sonner. Personne à la cuisine. Il entendit du bruit dans le salon et s'arrêta un moment sur le palier pour prendre sa respiration. Les fenêtres étaient ouvertes, les meubles étaient couverts de robes et de paquets. Antoinette, tournant le dos à la porte, était occupée à ranger du linge au fond de sa caisse. Au grincement de la porte sur les gonds, elle se retourna, vit Jacques et se leva en poussant un cri. Elle était très pâle, ses yeux étaient cernés et semblaient encore agrandis. Un rayon de soleil baignait ses cheveux un peu en désordre et faisait une auréole blonde autour de sa tête. « Voyez, » dit-elle avec un sourire contraint, « tout est sens dessus-dessous et je n'ai pas même une chaise à vous offrir. » Jacques fit un signe pour indiquer que c'était inutile. Sa gorge était horriblement serrée. Il se demandait s'il aurait la force de parler. « Vous partez demain ? » commença-t-il enfin. « Oui, demain au petit jour, par le courrier. Le train passe à Langres à 8 heures, et j'arriverai pour dîner à Paris. J'espère que j'aurai beau temps. Écoutez comme on entend les cloches de Germaine. C'est bon signe, n'est-ce pas ?» Elle disait tout cela d'un ton rapide, machinalement et comme pour s'étourdir. Jacques restait muet, et dans ce profond silence, on entendait très distinctement la limpide sonnerie des cloches. Tout à coup, Jacques fit 2 ou 3 pas vers la jeune fille et d'une voix sourde, « Antoinette, je vous aime. Voulez-vous être ma femme ?» Elle devint toute rouge, puis pâlit de nouveau. Les vertes pupilles de ses yeux se dilatèrent. Elle essaya de parler et resta sans voix. Jacques fit encore quelques pas, puis, saisissant les mains d'Antoinette et les pressant nerveusement dans les siennes, « Voulez-vous de moi ?» répéta-t-il tendrement. Elle avait fermé les yeux, et ses 2 petites mains répondaient à l'étreinte du forestier. Enfin ses lèvres se desserrèrent, ses paupières se rouvrirent à demi, un clair sourire passa dans ses regards. « Vrai, bien vrai, vous m'aimez, » soupira-t-elle, « je vous aime. » « Plus que vos livres ?»« Je ne les lis plus depuis que je pense à vous. » « Plus que la jeune fille aux yeux bleu faïence ?» continua-t-elle, et un sourire plein d'une adorable câlinerie releva le coin de ses lèvres. Il reprit gravement. « Ce n'était qu'une ombre, et vous l'avez fait envoler. » Elle poussa un profond soupir de satisfaction. « Et depuis quand vous est venue cette belle idée d'aimer une fille aussi mal élevée que moi ?»« Depuis la nuit du bal de la Tuilière. » Elle baissa les yeux et rougit. « Votre amour, dit-elle, est en retard sur le mien. C'est humiliant et je ne devrais pas l'avouer, mais je vous ai aimé dès le premier jour où je vous ai vue. » Appuyé contre le manteau de la cheminée du bal Clavin, renfrogné et hérissé comme un ours mélancolique. Votre sombre regard noir m'est allé au cœur et, tout de suite, je me suis dit « Voilà le seul maître que j'aurai. »« Chère Ondine !» murmura-t-il en l'attirant doucement à lui. Elle redevint pâle, ferma les yeux et appuya un moment sa tête sur l'épaule de Jacques qui, cette fois, ne résista pas à la tentation et déposa un rapide baiser de fiançailles sur les yeux verts. « Sainte Vierge !» s'écria Céline qui apparut sur le seuil et qui, dans sa stupéfaction, laissa choir toute une pile de linge. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ?»« Il y a, » répondit Antoinette, « que je ne partirai pas. Tu peux défaire tes paquets. » Elle sauta au cou de sa bonne et la serrant à l'étouffer. « Ah, Céline, » murmura-t-elle, « embrasse-moi, je suis heureuse. » Jacques les quitta pour courir au devant de M. Delille, auquel il voulait le jour même adresser une demande en forme. Il l'aperçut enfin sur la route de la Tuilière, escorté de Tambel et sifflant un air de chasse. Sans préambule, il le mit au courant de son amour et de ce qui venait de se passer aux Corderies. M. Delille l'écouta gravement, avec un air de satisfaction mal dissimulé. Quand Jacques eut fini, le père d'Antoinette s'écria « Oh, la petite masque, voyez-vous cela ?» Puis s'arrêtant et prenant un air solennel, « En un mot, commençant, dit-il à Jacques, vous m'allez. Touchez-la, vous êtes mon gendre. Seulement, je dois vous prévenir que tout mon bien est en terre. » Et que je ne donnerai pas un sou à Antoinette. Les temps sont durs, et c'est à peine si je joins les 2 bouts. » Le forestier haussa les épaules et voulut protester de son indifférence pour la question d'argent. M. Delille lui coupa la parole. « Minute, » reprit-il, « je n'ai pas fini. Votre désintéressement me fait plaisir, mais après tout, on ne se nourrit pas de beaux sentiments. Quelle est votre position de fortune ?» Jacques répondit qu'il ne possédait que son traitement, et M. Delille fit la grimace. Toutefois, le jeune homme ajouta que sa famille était à l'aise et que son père ne refuserait certainement pas de lui servir une pension de 1000 écus environ, dès que le projet de mariage lui serait soumis et qu'il lui aurait donné son assentiment. La figure du père d'Antoinette sera sérénée. « À la bonne heure, » dit-il, « c'est par là qu'il faut commencer. Je suis, moi, pour le respect de l'autorité paternelle. Allez trouver votre famille, obtenez son consentement, arrangez la question d'argent et ne revenez que lorsque tout sera terminé. » Pour ce qui est de moi, je vous le répète, vous êtes mon homme. » Il fut convenu que Jacques demanderait un congé et partirait dans 15 jours pour elle où habitait sa famille. Ces 2 dernières semaines se passèrent doucement en causerie et en promenade. Pour les deux jeunes gens, ce fut ce qu'on peut appeler la lune de miel de l'amour. La courte et délicieuse saison où la tendresse garde encore tout son velouté, où le désir vivace et contenu est comme la rose dans le bouton, vermeil déjà, mais vierge encore. Dans cette prime aube de l'amour, il y a quelque chose de l'enchantement qu'on éprouve à l'aurore d'un jour de fête. Tout y est sourire, plaisir voilé, promesse lumineuse. La matinale rosée de l'espérance donne à tous les objets une nuance délicate et fraîche, qui ne dure qu'un moment et ne revient plus. Le congé obtenu et le jour du départ arrivé, Antoinette et M. Delille conduisirent Jacques à la voiture qui faisait le service de Brive-à-Langres. Évonime devait accompagner son ami jusqu'à la station et prendre lui-même le train de Paris où l'appelait un règlement d'affaires. Tandis qu'il s'installait dans la patache, Jacques contemplait Antoinette qui était devenue subitement silencieuse. « À quoi pensez-vous ? » lui dit-il en lui serrant la main. « Je pense à votre famille, » soupira Antoinette. « Elle me fait peur. Comment tous ces gens si sévères voudront-ils s'accommoder d'une bru aussi frivole que moi ? Quand vous serez là-bas, promettez-moi de résister à tous les sermons et à toutes les remontrances. » Et puis, Antoinette s'arrêta un moment et fronça imperceptiblement les sourcils. « Jurez-moi de ne point revoir la jeune fille aux yeux bleus faïence. Je le jure » s'écria-t-il en riant. « Mais si quelqu'un a le droit de s'inquiéter, c'est plutôt moi. L'absence m'effraie, et je ne vous l'ai pas encore laissé voir. Je suis horriblement jaloux. »« Jaloux ? » répliqua-t-elle en faisant la moue. « Vous ne devez pas l'être avec moi. Ne vous ai-je pas aimé la première ?» Le conducteur était déjà sur le siège, on se donna une dernière poignée de main, et Jacques s'élança dans la voiture. « Au revoir !» cria Ébonime à M. Delille, « je serai de retour dans une huitaine. » Le courrier partit. Quand on atteignit la station, le train qui devait emmener Jacques du haut à elle était déjà signalé. Au moment de se séparer de son ami, le forestier, qui était resté muet pendant tout le trajet, le prit à part, et lui serrant fortement la main, lui recommanda d'aller souvent aux corderies et de le tenir au courant de tout ce qui arriverait. « Je resterai là-bas, environ un mois, » ajouta-t-il. « Antoinette est un peu volontaire et excentrique et je ne voudrais pas qu'en mon absence elle fît quelque étourderie, dans le genre de sa visite au bal Clavin, ou qu'elle retournât quelque bal comme celui de la Tuilière. Toi qui es son camarade et mon ami, tâche d'obtenir qu'elle demeure à la maison et promets-moi de veiller sur elle. « Mon cher, » répondit Ébonime, tu me donnes là un rôle de mentor auquel la nature ne m'a guère disposé. Je manque d'autorité et Antoinette a l'humeur contredisante. Si je me mets en travers de ses fantaisies, elle ne se gênera pas pour m'envoyer promener. Mais enfin, tu te maries. Et par cela seul, tu as droit à mes égards. Compte sur moi autant qu'on peut compter sur quelqu'un quand il s'agit de l'éternel féminin. La femme est toujours femme. Il en est qui sont belles, il en est qui ne le sont pas. S'il en était d'assez fidèles, elles auraient assez d'appât. » Sur cette citation peu consolante, Évonime embrassa cordialement son ami, referma la portière du wagon où Jacques s'était installé et alluma un cigare tout en regardant le train s'éloigner au milieu d'un nuage de vapeur.